RVR était à la salle La Parenthèse à Renaison le mardi 24 mai pour assister au spectacle Martin Squelette monté par les variétés lyriques autour des classes de CM1, CM2 de l'école de Mattel. Occasion pour RVR d'interviewer Denis Mignien, metteur en scène du spectacle, et Guillaume Père, directeur musical, tous deux membres des variétés lyriques de Roanne. Guillaume Père, directeur artistique des variétés lyriques, vous pouvez nous expliquer la genèse du spectacle Martin Squelette qui sera donné ce soir donc à la salle de La Parenthèse à Renaison. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'avant Martin Squelette, il y avait eu un autre projet, la cuisine de Josquin et Léonie, qui était le résultat d'un atelier qu'on avait mené autour de l'opéra, du chant, avec le groupe scolaire Mattel. Et il se trouve que cette expérience avait été extrêmement enrichissante, je crois vraiment pour les élèves, pour l'équipe enseignante, mais aussi pour nous. Et on avait envie de réitérer cette expérience. Et cet opéra Martin Squelette, qui est un opéra pour enfants d'Isabelle Aboulker, était l'œuvre et l'occasion idéale de poursuivre ce travail. Alors, Martin Squelette, c'est bien entendu, c'est une œuvre, mais c'est quasiment un prétexte pour continuer d'apprendre à chanter pour les élèves, à être sur scène. Ils ont énormément travaillé avec Denis Mignien, qui est à la fois chanteur, acteur et metteur en scène de ce spectacle. Et par ce travail-là, ils ont, en tout cas, on a essayé de leur transmettre un certain nombre de valeurs qui sont inhérentes au spectacle vivant, mais également à notre métier, parmi lesquelles on retrouvera eh bien, le faire ensemble, le vivre ensemble, le dépassement de soi, l'exigence. En résumé, comment être citoyen ou citoyenne. Merci Guillaume. Denis Mignien, qui est le metteur en scène donc d'une troupe professionnelle qui travaille avec des élèves. Quels sont les enjeux, les défis à relever dans ce cadre-là ? Comme le disait Guillaume, déjà, il y a une acquisition de compétences. C'est-à-dire que les élèves avec lesquels on travaille pour la plupart sont très éloignés de la pratique artistique et culturelle. Donc c'est déjà acquérir effectivement des compétences de chant, des compétences de théâtre, des choses aussi simples que articuler, bien respirer, se placer sur un plateau, chanter juste, écouter, travailler ensemble. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement une dimension finalement plus citoyenne, c'est-à-dire on construit à travers ce type de projet qui sont très complémentaires finalement de ce qui se passe en groupe classe et à l'école. On construit les citoyens de demain. C'est aussi c'est le lieu de l'école, mais c'est aussi le lieu de ce type de projet parce que on est obligé de faire avec l'autre, on est obligé de travailler en commun, on est obligé de s'écouter, on est obligé de se respecter, on est obligé de prendre des décisions. On est obligé d'assumer ce qu'on fait, etc. Donc tout ça, c'est des outils qui servent bien sûr sur un plateau de spectacle et de théâtre, mais qui servent dans la vie de tous les jours. Et finalement, en accompagnant des jeunes à travers ce type de projet, on construit avec eux une conscience de ce qu'est la vie dans la cité, la vie de citoyen, être au cœur du groupe, etc. Et donc ça, c'est important. Et puis aussi, la troisième chose qui est tout aussi importante, à mes yeux, c'est que ça développe aussi un rapport à l'imaginaire, un rapport au merveilleux, un rapport à ce qu'on est capable de faire, et finalement, avec peu de choses, en étant sur un plateau, avec pas d'effets spéciaux, c'est de la chair et de la sueur d'être sur un plateau, et ben on arrive à emmener, là, on espère ce soir, 250 personnes dans une histoire. On arrive à provoquer l'émerveillement, à provoquer une forme de magie qui est inhérente au spectacle, et amener ces gamins-là dans cette magie et leur montrer que finalement, notre monde intérieur en fait, peut interagir avec le monde extérieur. Et voilà, cette espèce d'équation un peu bizarre du théâtre, du spectacle, qui fait qu'on fait vibrer des gens, 250 personnes en même temps, au même mot, etc. Partager ça avec les gamins, c'est important. Et puis surtout, ça leur donne autre chose que je vais faire le vieux un peu ringard, mais que des jeux vidéo, que la télé, etc. C'est aussi redévelopper la qualité, les capacités d'émerveillement avec rien, juste en étant soi et en racontant des histoires. Alors moi, il me semble que ça peut également créer des vocations, puisque si j'ai bien compris, lors de votre premier spectacle, La cuisine de Josquin et Léonie, une élève de Mattel a fait un choix d'orientation pour ses études. Donc dans ce cadre de spectacle avec des enfants, est-ce que vous pensez également que des vocations peuvent naître parmi les élèves de Mattel ou d'autres élèves de cet âge-là, Guillaume ? Bien évidemment, parce que l'objet aussi de ce type de démarche, c'est de leur montrer que différents chemins sont possibles, des chemins de vie. Alors, ça peut être de par notre expérience, parce que il y a autant d'expériences de vie et de chemins que d'artistes professionnels sur le plateau, mais également parce que peut-être que jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais envisagé que... Eh bien pour chanter, pour être sur un plateau, bah c'était de l'exigence. En fait, c'était un métier et que tout ça, ça s'acquiert, ça s'apprend et que ça, c'est peut-être un choix possible pour leur direction de vie. Et on a le cas de Stella, par exemple, qui, à la suite du projet de la cuisine de Josquin et Léonie, a décidé de passer les auditions de la maîtrise de la Loire et des auditions qu'elle a réussies. Et d'une part, c'est un encouragement... Pour tous les gamins qui participent au projet, mais également pour tous les intervenants, parce qu'on se dit que ça peut être aussi utile dans ce sens-là, se leur dire que rien n'est jamais déterminé par avance et que tous les chemins de vie sont possibles. Et là, je peux vous dire que dans l'équipe de Martin Squelette, ils sont un certain nombre à avoir énormément de talent. Et j'ai aucune action dans l'affaire. Là, j'ai aucune raison de le dire simplement pour leur envoyer des fleurs. C'est vraiment, il y a un certain nombre de gamins qui ont énormément de talent. Et si ce soir ils arrivent à être aussi fiers d'eux que nous sommes fiers d'eux, ça sera déjà une grande victoire. Et donc ce soir, le spectacle a lieu dans quelques instants. Le track est là, Denis. Le track est toujours là. Nous, ça fait 30 ans qu'on est sur des plateaux avec Guillaume. On a commencé à peu près à leur âge, l'un comme l'autre. Moi, la première fois que je suis monté sur un plateau comme soliste, j'avais 12 ans. Donc, j'étais à peine plus vieux qu'eux et j'avais déjà le track. Et j'en ai 43 aujourd'hui. J'ai toujours le track. Donc, oui, le track, il est là. Tant qu'il ne paralyse pas, il est au contraire plutôt salvateur. Moi, je trouve que c'est ça qui met la petite tension, qui oblige à se reconcentrer, à se recentrer sur ce qu'on va faire, à faire un peu un tour dans la tête de tout ce qu'on a à faire dans la soirée et pendant le spectacle. Enfin, je trouve que c'est le trac est là. Eux, je sais qu'ils déjà hier à la répétition générale, ils étaient déjà morts de trac. Donc, j'imagine que ce soir, c'est au paroxysme. Merci beaucoup. Nous étions donc avec Guillaume Père et Denis Mignin, des variétés lyriques, pour le spectacle de Martin Squelette, présenté ce mardi 24 mai à la salle La Parenthèse de Renaison.